Salut les amis. Salut, salut Alex. Ah bah je commence à m'y faire moi, être patron. Ah bah pas nous. Oh, moi j'aime bien la méthode de travail d'Alex, non. C'est cool. Ah voilà, merci. Bah, ouais, on n'est pas trop mis sous pression. Ouais. On va plus vite à l'essentiel avec Alex. Évidemment. Ouais, Charline elle est trop pointilleuse. C'est ça. Ça c'est un problème. Oui, bien sûr. Oula, attention, c'est elle qui appelle. Elle est entre deux leçons de poney. Sans bon, je réponds, il est sur haut-parleur. Salut Charline. Salut Charline. Salut. Salut à tous. Vous me manquez. Hein. Ah bah nous aussi, moi aussi tu me manques Charline. Mais ça va quoi? Si Charline, c'est vrai, tu me manques beaucoup. Ah oui, c'est vrai, Guillaume? Oui, beaucoup, plein. Oh, non, mais qu'est-ce que tu reproches à Alex? Bah non, mais avec Alex, c'est trop cool, quoi. Ah bon? Mais oui, on n'est pas assez mis sous pression. Ah bon? Mais on passe trop vite à côté de l'essentiel avec Alex. Là, tout à l'heure, En fait, c'est quoi? Eh, Charline, c'est quoi le problème d'Alex? C'est qu'il n'est pas assez pointilleuse. Mais je rêve ou quoi? Mais non, mais. Pas, je vais revenir, Guillaume. Mais tout va bien, Charline. Profite, fais du poney. Mais non, reviens. Mais je peux pas. Le club hippique de Versailles est fermé le mercredi. Je vais aller voir un match de polo à l'hippodrome. Super, je vois que c'est pas trop difficile. Et tu manges bien, rassure-nous. Oui, ça va. Écoute, mais bon, tu sais, le resto étoilé, ça va bien un moment. Ouais, d'accord. Et vous savez quoi, ce midi, je rêve d'un sandwich de la cantine de Radio France. C'est la meilleure. Bah, nous, on va y aller en équipe, ça va super. Non, moi, je vais pas y aller, et non. Pourquoi? Parce que j'aime pas la cantine quand Charline n'est pas là. C'est pas pareil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, Charline, t'appelais pourquoi? Ah bah pour être sûr que je vous manquais. Ah bah, bon, salut, hein, je vous laisse, là j'ai un massage. Ah ouais, bah salut Charline, salut. Non mais Guillaume, mais t'es la pire des girouettes que je connaisse. Oh, ça va, c'est bon. Bon alors, on se la fait cette cantoche. Oh, le faillot. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission qui fait avec l'actualité comme les bouchers font avec de l'andouillette. On prend un peu de tout, on le met dans le boyau et puis on verra. Et voici les trois informations que vous allez retrouver dans votre assiette d'ici 18h. Après 37.2 le matin avec Béatrice Dalle, découvrez 49.3 l'après-midi avec Manuel Valls. Comme le gouvernement n'était pas certain que sa loi serait votée, ils n'ont pas réfléchi, ils ont foncé droit dans l'art. C'est des malades. Bernard Tapie, épisode 6853. Encore un verdict, le 3884e de sa vie. Il aura passé plus de temps dans les tribunaux que dans les stades de foot, et pourtant il aime le foot. Son arbitrage a été annulé, mais les 403 millions d'euros. Où est le fric, espèce de sale punk? France 2 propose un nouveau jeu depuis lundi, Joker. Et hop, les audiences suivent, comme pour les jeux de Nagui, de Jean-Luc Reichmann ou de Lagaffe. Alors, la question, ne faut-il pas que des jeux à la télé? Vous pouvez répéter la question? Bah, ne faut-il pas que des jeux à la télé? Et autour de la table, que des rigolos à 17h20. Celui qui aime la musique et la banquise, puisque la musique adoucit les morses. Oh, la chute de merde. Ouais, bah désolé. Thomas VDB. On est bien d'accord, la chute de merde. Bonjour Alex. C'était Dominique Farrugia. De quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler des groupes de musique qui ont des problèmes d'homonymie quand ils choisissent justement le nom de leur groupe. C'est comme si je parlais par exemple de l'animateur d'RTL qui s'appelle Alex Bidorek. J'ai pas tout compris, mais ça m'intéresse. On comprendra tout à l'heure. À 17h30, le matin, il part avec son micro et le soir, il est sur les ondes. C'est un peu un micro-ondes. Oh, la chute de merde. Oui. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex Bidorek. Oui, de quoi on parle? Alors, moi, je me suis intéressé aujourd'hui aux réserves parlementaires, cette somme que chaque député est censé distribuer à des associations de leur choix. Ils l'ont tous fait, sauf, a priori, Patrick Balkany. Je lui ai demandé pourquoi. Vous savez, quand je fais des communiqués, il faut les lire, mon bon. Ah, et t'es pas content, Patoche. Vous avez rencontré votre idole. Et enfin, à 17h40, celle qui devrait avoir le prix Nobel de littérature parce que ses livres, c'est de la dynamite. Oh, la chute de merde. Clara Dupont-Mono. De quoi on parle? Eh bien, après la profanation du cimetière juif en Alsace, nous nous pencherons sur la figure de l'adolescent qui mérite un bon coup de pied au cul. Eh bien, très bien. Intervenez dans cette émission par le répondeur 01 56 40 69 51, par les réseaux sociaux, Twitter, hashtag annule tout, ou Facebook, où nous avons que des amis. Et chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Alors hier, c'était Dominique Farrugia, il a repéré qu'on avait quelques chutes de merde. Et aujourd'hui, vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Albert Lebrun. Vous entrez à la rue Blanche avec Guy Bedos et Marie Dubois en 53, l'année de la création du journal L'Express. Vous débutez à la radio en 60, l'année de la Palme d'Or pour la Dolce Vita de Fellini. Et vous succédez à Lucien Jeunesse à la présentation du mythique jeu des 1000 francs sur cette antenne, l'année où Céline Dion chante Pour que tu m'aimes encore, mais là, a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes... Louis Bozon. Vous êtes fort en question et en réponse. Sur France Inter, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Louis, alors vous êtes là déjà parce qu'on est très content de vous recevoir. Mais oui, c'est réciproque, je suis bien ici moi. Écoutez, vous êtes le bienvenu, je sais que c'est Nagui qui vous prend de temps en temps. Exactement, c'est le jeudi, oui. La bande originale. Et là, c'est pas un hasard non plus si vous êtes là, puisque c'est demain soir, sur France 5, il y a une émission... qui s'appelle Duel Dietrich-Garbo, l'ange et la divine, à 21h40. Et on vous a demandé, j'imagine, de parler de Marlène Dietrich. Oui, je suis toujours de service. Comme souvent. Cette dame. Alors moi, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de Greta Garbo ? Alors, Greta Garbo, bon, elle n'a pas du tout la même carrière. Elle est morte beaucoup plus riche que Marlène. Et en même temps, elle a été certainement moins heureuse que Marlène. Mais ça, elle le dirait si elle était là. Mais elle ne le dirait quand même pas parce qu'elle ne disait rien ou elle se taisait. Mais je pense qu'elle a eu une vie beaucoup plus solitaire et moins altruiste que celle de Marlène. Et vous êtes un ex de Greta Garbo ? Alors, pas du tout, pas du tout. Je ne l'ai même pas rencontrée. Et je ne suis pas vraiment une ex de Marlène, bien que j'ai vécu avec elle pendant 37 ans de ma vie et qu'elle vit. Et voilà, donc... on m'a posé la question, est-ce que vous avez été son amant le jour de son enterrement ? J'étais gêné, ça se passait ici. Et alors, j'ai répondu non. On avait quand même 30 ans de différence. Vous me direz que maintenant, après tout, pourquoi pas, il y a des cougars. Salut Jean-Luc Ley. Et alors voilà, donc, non, j'ai pas connu Garbo, mais j'aurais aimé quand même. Je sais pas si ça aurait été bien, mais avec Marlène, j'ai quand même eu de quoi faire. Hein. Mais Clara, laissez-moi vous inviter à lire le livre « Allô mon ange, c'est Marlène » aux éditions Michel Lafon, que vous avez sorti en 2012, qui raconte toutes ces années passées aux côtés de Marlène Dietrich. Alors, par rapport à Greta Garbo et Marlène Dietrich, nous, l'image qu'on en a, pour ceux qui ne connaîtraient pas hyper bien leur carrière cinématographique, c'est ce côté, à un moment on a arrêté, on a quitté le monde, on est parti, on était des grandes stars, et puis on s'est retirés. Les deux ont ce point commun. Oui, alors Marlène l'a fait un peu par raison, c'est-à-dire qu'elle avait des problèmes de l'âge, et puis surtout elle buvait. Alors le problème de maintenant c'est la drogue, avant c'était l'alcoolisme, elle est tombée en scène, elle s'est cassée une fois de plus, parce qu'elle se cassait beaucoup, et puis elle a arrêté par la force des choses, et comme elle ne voulait plus qu'on la voie, parce qu'elle disait toujours pas me voir, on vient me regarder. Donc elle s'est enfermée pendant 15 ans dans une solitude de religieuse. Même les religieuses, je crois qu'au réfectoire, elles sont plus nombreuses quand même. Et là, elle a accepté sa vie. Elle, par contre, Garbo, et quand elle s'est arrêtée au cinéma, Marlène, c'était parce qu'on l'a arrêtée finalement. Elle était devenue star poison, c'est-à-dire qu'elle ne rapporte pas assez d'argent, donc on les arrête. Donc elle a chanté, mais c'est inimaginable pour nous de se dire qu'à un moment, Marlène Dietrich n'a pas été bankable. Ah oui, elle n'était pas bankable. Quand elle est revenue bankable, j'articule pas, je veux pas un coup. Non, toutes les syllabes étaient là. Hein, ah, bref. Voilà, donc à un moment donné, elle a eu une vie absolument passionnante et passionnée surtout parce qu'elle a eu beaucoup d'amants, alors que Garbo, je pense qu'elle a une vie beaucoup plus secrète et certainement moins tumultueuse. Dans le communiqué de presse donc, de cette émission de demain soir sur France 5, il est écrit « Si leur rivalité cinématographique est connue de tous, leur liaison amoureuse l'est beaucoup moins ». Alors, est-ce que vous allez nous pitcher cela ? Est-ce que vous allez faire semblant qu'il s'est passé quelque chose pour qu'on regarde de l'émission ? Ou est-ce que vous allez nous dire ? Alors, on raconte qu'elles ont été ensemble. Moi, Marlène m'a dit, de toute façon, je ne la connaissais pas. Elle avait une maison qui était proche, oui, parce qu'elle a eu un problème quand elle est allée en Italie, déjà très tardivement. Est-ce que la vérité sera entre les deux ? On ne sait jamais la vérité avec ces gens-là. Un jour, Maria, sa fille, m'a dit, si tu crois tout ce que ma mère te dit, tu sais, elle a beaucoup menti, ma mère. Et en plus, après les mensonges, elle croit que c'est de la réalité, elle mélange tout. Moi-même, je ne suis pas très au courant. Alors qu'elle savait tout de la vie de sa mère. Non, je pense qu'à un moment donné... C'est une famille de Cahuzac. Quand elle était en Italie, tout l'hôtel où elle était, tous les paparazzi étaient devenus la femme de chambre. Enfin bref, même dans les WC, elle a dit qu'elle a été poursuivie. Et elle a donné une interview à Stampa ou je ne sais quel journal. On lui a dit, qu'est-ce que vous pensez de Greta Garbo ? Elle a dit, je ne la connaissais pas bien, je ne peux pas en parler. Et ça a donné Marlène Dietrich, 2 points, Garbo ne connaît pas. Elle est revenue en me disant, c'est une horreur, j'irai plus jamais dans ce pays, j'ai jamais dit ça. Parce que je crois qu'elles ne se sont jamais rencontrées, et le film de Marie-Christine Gambard le montre bien, c'était une dualité qui était due, elle faisait un personnage, Marlène en faisait un autre. Agent X-27, Matahari, ainsi de suite, sans arrêt comme mais ça. Il n'y a pas d'Alain Prost sans un Ayrton Senna. Mais ça aide aussi. Ça aide, et en même temps, je crois que le niveau des références. référence un petit peu de l'émission. C'est deux grands champions, deux grands champions. Oui, deux grandes championnes. En l'occurrence. Et en même temps, c'est des gens qui étaient tellement hors du commun qu'on se dit, quand on les a rencontrés, on n'est pas tout à fait le même. On est presque intronisés dans un monde que je n'ai pas encore tout compris. En tout cas, je sais pas pourquoi, moi j'ai envie de penser qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. En tout cas, je regarderai l'émission en me disant ça. On peut rêver. Police. Comme il l'a dit, hein, Roxane, c'était Police. Il n'y a aucun lien, évidemment, avec le deuxième sujet qui sera Bernard Tapie. Avec nous, Louis Bozon, en invité, qui nous parle de demain sur France 5, Dietrich Garbo, L'Ange et la Divine. Un très très beau documentaire, enfin comment on appelle ça? Oui. Un genre de making-of un peu, oui, des images d'archives. Oui, il y a beaucoup de documents puis, sur Garbo, que je ne connaissais pas. Je connaissais beaucoup de choses sur Marlène, mais pas sur Garbo. Si vous avez appris des choses, on en apprendra sans doute aussi. Oui, oui. Et autour de la table? Autour de la table, ben vous, hein, l'imberbe, oui, Alex Vizorek, le rasé de près Thomas VDB et la formidable Clara Dupont-Mono. Ouais. Et vous, Guillaume Meurice, avec qui nous allons faire, eh bien, la fameuse revue de presse à deux voix. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on débute en rappelant évidemment que dans cette émission, nous sommes plus que jamais aux côtés de Jean-Luc Lahaye dans ses démêlés judiciaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on a bien regardé sa discographie à Jean-Luc. Ça risque quand même d'être compliqué au procès. Imaginez par exemple si le procureur vient avec une chaîne IFI. On vous le fait. La parole est au procureur de la République. Monsieur le Président, messieurs les jurés, je vous fais écouter la piste 1. Voilà, Jean-Luc Lahaye, Gabine, hein, une très belle chanson. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les jurés, permettez-moi de vous faire écouter la piste 2. Tes 17 ans me foutent le feu, le mal aux dents, les larmes aux yeux. Voilà, très belle chanson, tes 17 ans. De Jean-Luc Lahaye, monsieur le Président, mesdames, messieurs les jurés, permettez-moi de vous faire écouter une troisième chanson de Jean-Luc. Ne dis rien. Voilà, voilà. On est bien. Ne dis rien, ouais. On est bien. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'à ce niveau-là, non, ça ira. À ce niveau-là, c'est plus une discographie, c'est un dossier d'instruction. Voilà, et puis on parle justice. Merci aux auditeurs qui nous ont envoyé des chansons de Jean-Luc et qui ont trouvé amusant de le dénoncer. On continue avec... Les auditeurs français. Oui, donc. Les auditeurs français. Oui. La relax de DSK dans le procès du Carlton. Et oui, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir, comme le disait Jean de la Femme Fontaine. Jean de la Fontaine, pardon. Qu'est-ce que vous avez, Guillaume ? Désolé, j'ai trop suivi le procès. On continue avec le flop d'audience de Manuel Valls hier au JT TF1. Oui. Il a essayé de se justifier péniblement. C'était la pire audience du JT de TF1 en 2015. Il a fait moins de téléspectateurs que Plus belle la vie. Oui, ça se comprend. Hein. Quitte à regarder un scénario pourri et mal joué, autant qu'il soit écrit par des professionnels. Et on enchaîne avec l'actu internationale et les bombardements de l'armée de l'air égyptienne en Libye. Et oui, mais ils auraient quand même pu attendre les rafales, moi je trouve. Hein. Mais justement, ils ont préféré bombarder avant. Ouais, c'est vrai que ça reste du matériel français. C'est d'ailleurs assez malin de la part de la France de vendre du matériel pourri aux étrangers, parce que s'ils nous attaquent un jour, on est tranquille. Guillaume, je vous rappelle que l'armée française est équipée de rafales, évidemment. Ah oui, je me disais bien aussi, un militaire malin, c'est comme un scénariste de Plus belle la vie imaginatif ou un premier ministre socialiste de gauche. C'est le point oxymore du jour. On termine donc, Alex, avec une information insolite. On terminera plus tard avec cette information insolite. C'était la revue de presse, on termine. Très bien. Comme dirait... Alex, on termine. Enfin, pardon. Et on se termine. Voilà, on se termine, Alex. Qu'est-ce que vous avez pris? J'ai dit ça hier, excusez-moi. Je crois que moi aussi, j'ai trop suivi le procès des SK. Donc on termine en saluant Jean-Luc Lahaye. On le taquine, mais on espère que tout va s'arranger, qu'il ne finira pas en prison. Et si c'est le cas, Jean-Luc avait aussi tout prévu. Libérez-moi de prison où je vais. C'est aussi une chanson, Jean-Luc. Jusqu'à 18h, nous sommes avec Louis Boson. Voilà, vous suivez beaucoup l'actualité, je vous ai vu arriver avec vos filles, vous êtes prêts? Ah ben oui, vraiment, j'ai travaillé comme jamais. Mais écoutez, c'est une émission... En général, ça ne me préoccupe pas trop, enfin, si je suis un citoyen qui vote. C'est une émission où l'invité travaille plus que les animateurs, c'est très rare. J'ai des documents qui vont très sérieux en face de moi, ce matin aussi j'ai travaillé. Oui, mais là, l'actualité, je la lis évidemment, souvent elle m'ennuie prodigieusement. Heureusement que vous la relisez pour nous, parce que quand je vous écoute, ça me remonte un peu le moral. Vous allez voir qu'on va changer le monde. Alors, premier sujet, Manuel Valls a utilisé son joker hier pour faire passer la loi Macron. L'article 49.3 de la Constitution. Alors, est-ce que ça a renforcé son autorité? Est-ce que ça l'a affaibli de toutes parts? En tout cas, le soir, quand il est rentré chez lui à la maison, il a tout expliqué à madame. Vous avez gagné votre bataille aujourd'hui? Oui. Ça n'a pas été trop dur? Nouvelle technique. On passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. C'est nouveau. Et c'est répandu, ça, comme technique? Ah non, ça, c'est que nous. Parce qu'il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Ah non, là-dessus, on a une avance considérable. Kaamelott, Alexandre Astier. Ça colle pas mal au sujet, hein, j'avoue. Merci à Claire-Sophie Connet qui a trouvé ce son. Et à Nathalie Romero qui prépare formidablement cette émission. Alors, la loi Macron... Louis Boson, vous qui avez bien bossé. Oui. Alors, bon. N'allez pas trop loin tout de même pour l'interrogation. L'article 18, c'est ce qui vous a parlé. Ben, oui, bien sûr, mais enfin, bon, l'article 18, qu'est-ce que vous voulez, on s'en sert, on va s'en servir. Non, alors, 18.3, non, c'est qu'est-ce ça que... Jean-Pierre Raffarin a dit c'est un bulldozer, donc le 49.3, pour faire passer des pâtés de sable. Alors évidemment, la droite se frotte un peu les mains quand même de cette espèce de façon d'avoir trébuché de la gauche. Oui, mais en même temps, elle se frotte les mains parce qu'elle n'a rien d'autre à faire en ce moment. Hein. C'est le problème. Hein. C'est pas entièrement faux. Mais alors, l'image qu'a donnée Valls, parce qu'on le disait dans la revue de presse, c'est la pire audience du JT de TF1, alors que c'était une interview, alors que la presse a dit « oui, mais il a fait quelque chose, il s'est imposé, machin ». Et en fait, les Français, ça ne les a pas choqués plus que ça, parce que s'ils ne l'ont pas regardé s'expliquer, c'est que bon, ma foi. Oui, pour eux, c'était des gens entérinés. J'ai l'impression que tout ça, c'est de la gnognotte pour eux, parce qu'ils en ont peut-être marre un peu de tout ça. Ils ont voté, ils s'aperçoivent que ce n'est pas exactement ce qu'ils souhaitaient, et en même temps, c'est pas mal non plus par certains côtés. Donc, il doit y avoir des problèmes. Alors moi, à mon âge maintenant, je ne devrais plus me préoccuper de ça. Mais en effet, je trouve que... parce qu'au bout d'un moment, on devient très sage en face de tout ça. Parce que j'ai vu quand même pas mal de ministères tomber, de présidents mourir et bon... Vous avez l'impression que ça toujours se répète? Parce que chaque fois qu'on a ce genre de choses, on dit « Ah, quand même, scandale, coup d'État, machin, machin. » Alors vous pouvez relativiser en disant « Oh, fou !» Oui, j'ai l'impression qu'on prend moins au sérieux maintenant nos hommes politiques. Et quand même, quand je vois la Chambre comme hier après-midi, on se dit quand même c'est une foire d'empoigne. On a voté pour des gens qui se lâchent quand même un peu trop. trop. Alors je pense que l'homme que je suis pense là, mais il y a des millions de personnes qui doivent penser comme moi, et souvent on a envie de dire, bon, si on changeait de tête, ce serait plutôt pas mal, parce que moi je les vois depuis longtemps les mêmes. Hein. Pour le coup, Valls, c'est presque une nouvelle tête, et Macron aussi. Oui, c'est ça, ils sont les plus nouveaux, c'est pour ça que peut-être on peut espérer un peu autre chose d'eux. Alors que les Français adorent Juppé. Ben oui, bien sûr, mais enfin, en même temps, il a une espèce de sagesse, lui, vous comprenez, mais oui. Ça veut pas dire que ça le servira, mais en attendant, il faudrait des têtes nouvelles, et c'est un peu ce qu'on a envie de dire, et que peut-être les gens pensent. Hein, moi, j'ai une analyse de Belge, parce que hier... Si mais j'aime beaucoup ce que pensent les Belges. Moi. Contrairement à ce qu'on pense, j'ai vécu chez vous, j'ai été tellement heureux, je riais pas en même temps que vous, mais je riais deux fois, c'était merveilleux. Mais attendez quand même son analyse. Oui, parce que c'est ça, vous avez dit que vous aimiez avant mon analyse. C'est-à-dire que donc, hier, Valls a dit, eh ben, vous en voulez pas, ben, je passe quand même, je vais en force. Je fais mon petit Napoléon. Et les Français, quelque part, peut-être se sont dit, ah ben voilà quelqu'un qui prend les choses en main, eh bien très bien, on va pas trop critiquer ça. Est-ce que c'est plausible ? C'est plausible parce que d'autres l'ont fait avant, et plusieurs fois même. Et là, c'est la première fois. Il faudrait peut-être pas qu'il en abuse, mais je pense qu'en même temps, Hollande a dit que c'était pas une loi non plus qui casse toute la baraque. Alors, pourquoi pas ? Oui, alors sauf que Dominique de Villepin était le dernier à avoir utilisé l'article 49.3 pour sa loi sur le CPE, qui... finalement, ne sera jamais promulguée. Mais voilà, donc... puisqu'elle n'a jamais été promulguée. Voilà, donc même ça, ça laisse un peu dubitatif. Michel Rocard, lui, l'avait employé 28 fois. Oui, et puis notamment 49.3. Pour la CSG qui tient toujours exactement, le coup. Hein. Exactement. Alors, Jospin, ça, lui, il n'y a pas touché. Il n'y a pas fait référence. Mais le record du monde, c'est Michel Rocard. Mais comment c'est possible, puisqu'on a le droit d'utiliser une fois par session ? Bah écoutez, lui, il l'a fait 28 fois. Oui, d'accord. Alors apparemment, ça m'a surpris aussi. Et je ne me suis pas trop posé la question. Parce que, bon, c'est du passé, mais on se dit qu'il a osé aussi, lui, hein, vraiment incontestablement. Ouais. Par contre, ces lois durent, la CSG, entre autres. Peut-être aussi que les Français, dès lors que cette loi Macron, a priori, est destinée à relancer l'emploi, in fine, sont assez contents qu'elle passe. Finalement, tout simplement. J'ai l'impression que les gens n'étaient pas contre cette loi, même si elle était très... L'histoire des autocars, par exemple. Pourquoi pas ? On a vu plein de reportages où on pouvait voyager pour 10 euros. Ça fait rêver. Alors évidemment, c'est plus long et puis on s'endort dans les bus. Et quand on arrive, on dit « bah oui, je suis arrivé finalement, ça m'a coûté moins cher ». Pourquoi pas ? C'est moins cher que la SNCF qui, elle, a un réseau qui est disposé en étoile. Donc quelqu'un qui veut aller en plus de Limoges, par exemple à Besançon, n'est plus obligé de repasser par Paris. Exactement, ce que j'aurais pu vivre quand je faisais le jeu des 1000 euros si j'avais pas une voiture. Sinon, on était dans des petits bleds où le train n'arrivait plus depuis longtemps. Et les petits bleds, je les aimais beaucoup d'ailleurs. Clara Dupont-Monod, on vous retrouvera donc dans tous les autocars de France. Très prochainement. Nous réjouira la vie d'ailleurs. Mais je voudrais juste vous signaler, juste aussi pour Louis Boson, que 69% des Français étaient plutôt favorables à l'ouverture des commerces le dimanche. Ça plaira pas à Guillaume Meurice, à ma droite. Ah voilà, je vois qu'il suffoque, il est tout rouge. Qui va régler le problème entre vous deux ? C'est que j'ai donné la parole à Thomas BDB. Et bien voilà, c'est tout simplement. Ça, tout simplement, avec sa chronique. Et vous, qui avez connu tous les jingles de cette maison, je crois qu'on a le meilleur parce que Thomas le fait lui-même. Jamais si bien servi que par soi-même, bravo. Des chanteurs dont on parle, des chanteurs dont on ne parle plus, c'est Thomas BDB. Et sa page Actuazikmu. Alors, le mois dernier, on n'en a pas trop entendu parler à cause d'autres petites choses d'actualité. Un groupe de rock espagnol qui s'appelle The Dears, qui commençait à avoir pas mal de succès, ils s'apprêtaient à sortir leur nouvel album et ils étaient déjà dans la liste des groupes à suivre pour 2015. Tout le monde était là, oui, ça va être génial, c'est le nouveau groupe à suivre, The Dears. Et puis au moment où ils sortent leur nouvel album, il y a des avocats qui les appelle en disant « Oui, bonjour, on est les avocats du groupe canadien qui s'appelle The Dears. » Alors voilà, donc les gars ont été obligés de changer de nom. Alors je ne sais pas, Louis Boson, si vous aviez noté ce fait d'actualité, mais voilà, je voulais en parler quand même. Merci. Parce que ça, c'est un truc à faire pour arrondir ces fins de mois, c'est de déposer un maximum de noms de groupe et attendre que des gars aient l'idée de monter un groupe du même nom. Là, tu arrives et tu peux prendre un beau chèque. Alors, il faut savoir que moi, mon vrai nom, mon nom de naissance, c'est Kanye West. Hein, donc du coup, évidemment, le plus connu des deux a préféré me faire un chèque pour pouvoir utiliser le nom. Du coup, j'ai racheté le nom Thomas VDB à un pêcheur breton qui n'en avait pas l'utilité. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu deux des plus gros cartons de la musique indépendante anglaise de ces trois dernières années, on a un groupe qui s'appelle FKA Twigs, ça s'écrit FKA Twigs, et l'autre s'appelle Alt G. ALT plus loin J. Alors on peut se demander, est-ce qu'on ne commencerait pas sérieusement à manquer de nouveaux noms de groupe ? Hein, voilà, FK Twigs et Alt G, hein, on est plus dans l'univers des raccourcis clavier. Hein, est-ce que tu as écouté l'album de Ctrl Alt Shift Supre ? Voilà, écoute-le. Tu vas la retenir. Voilà, je sais de quoi on parle. Parce que moi, j'avais monté un groupe avec des potes et on avait trouvé un super nom de groupe. C'était Noir Désir. Et bien finalement, c'était pas possible. Alors ça fait déjà pas mal de temps qu'on est confronté à ce problème en France. Par exemple, il y a un groupe américain qui s'appelle The Dodos, originaire de San Francisco. Mais depuis quelques années, années, il y a un groupe français aussi de Toulouse qui s'appelle The Dodos. Mais les gars, quand ils ont su qu'il y avait un groupe américain qui s'appelait comme ça, ils ont dit « Ah bon, il y a un groupe américain ? Bon, c'est pas grave, on va enlever le S, on va mettre un Z à la fin plutôt. » Maintenant, je me mets à la place du fan des Dodos américains qui est pas au courant et qui va aller voir l'Olympia. Il arrive, il voit les gars qui montent sur scène « Bonjour au Paris, ça va bien aujourd'hui ?» Attends, il y a un vrai problème. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si les noms, les musiciens choisissent systématiquement les noms de groupes pour les bonnes raisons. Il y a par exemple, il y a énormément de groupes en France qui sont extrêmement tatillons avec leur nom de groupe. Par exemple, il y a ce duo de chanteuses françaises qui s'appelle Brigitte. Mm-hmm. Et il y a des fois, il y a des gens qui disent comme ça, ah Lyon, hier je suis allé au concert, je suis allé voir les Brigitte en concert. Et les filles, elles sont là, mais non, c'est pas les Brigitte, c'est Brigitte. C'est pas les Brigitte, c'est Brigitte. Oui, mais en ce moment-là, je crois que tu chipotes, parce qu'à ce moment-là, moi, je peux te mettre claque. Voilà, alors, ce ne sont pas les vrais... Tout ce ne sont pas des vrais noms de groupes. Aujourd'hui, il y a des groupes qui essaient de se faire passer pour une entreprise collective, mais qui n'en sont pas vraiment. Je pense à des groupes comme Florence and the Machines, Christine and the Queens, mm-hmm. François and the Atlas Mountains, et je me dis, ça doit être un peu frustrant d'être membre d'un de ces groupes, mais de n'être ni Florence, ni Christine, ni François. Alors, en tout cas, aujourd'hui, le truc, j'ai remarqué, le truc qui marche le mieux en France, c'est d'essayer de choisir un nom de groupe qui ne sonne pas du tout comme un nom de groupe. C'est un espèce de concours d'originalité. En France, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des groupes de musique qui s'appellent Cheval de Frise. On a un groupe qui s'appelle Drame. On a un groupe qui s'appelle Fauve. On a un groupe qui s'appelle Pneu. Hein, on se dit, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Je pense, les gars, en fait, ils prennent un dictionnaire, ils prennent un mot au pif, comme ça, hop, allez, on va s'appeler Pneu. Voilà, tout simplement, hein, je pense que... Alors, je pense qu'il faudrait peut-être choisir des noms de groupe plus dans l'air du temps. Genre, j'ai acheté le disque de The Facebooks. C'est vraiment ça, génial, c'est... je te le recommande. Ou au mieux, je pense, inventer des noms de groupe qui ne peuvent même pas s'écrire. Hein, genre, et je sais pas si vous écoutez le dernier album de... Ah mais hyper bien, c'était avec la meuf qui était guitariste dans... Oh, c'est vraiment, je vous recommande chaudement l'album. Merci à tous, c'est bonne fin de journée, bien sûr. Bravo pour les animateurs. Et, il est bon, il est bon. Alors on va écouter un peu de musique. Alors le type s'appelait Herbert Leonard au début, et ouais. Puis il a dû changer parce que sa chanson c'était Rock and Roll is Cold, et il a pris Matthew E. White, et ma foi, c'est peut-être mieux comme ça, ça sonne bien. Rock and roll is cold. J'aime bien traduire. Donc le rock and roll est froid. Hein, voilà, c'est important. Bon, ça accent, me permet de montrer aux gens que voilà, je maîtrise d'autres langues. Vous êtes sur France Inter, 17h35 à Paris et à Tronche, dans l'Isère. La Tronche, oui. C'est là où je suis né. La Tronche, oui, c'est ça. C'est rigolo comme c'est drôle, de... Oui, c'est un drôle de nom. Parce que vous ne la faites jamais. Non, non, je suis quelqu'un de heureux. Non, j'ai horreur de ça. Mon père était boudeur, c'est vrai. Mais alors ma mère a souffert de ça. Non, pas du tout. Moi, je me levais le matin, je chantais et je ne vis qu'avec des gens qui chantent le matin. matin. Cela dit, c'est pas très normal, mais on faisait comme ça. Parce que les gens qui chantent le matin, ça énerve aussi. On dit, mais t'es toujours de bonne humeur, toi. Ben oui, je suis toujours de bonne humeur. Ça dépend comment ils chantent. En général, pas très bien. Comme sous la douche, je ne chante jamais. Quand on me demande, est-ce que vous chantez sous la douche ? Rien du tout. J'ai pas envie de chanter sous la douche. On se met de l'eau dans la bouche si on chante sous la douche. C'est pas évident. Si vous voulez être de bonne humeur et que vous appréciez mon camarade Guillaume Meurice, et si par hasard vous êtes à Aix-en-Provence entre vendredi et dimanche, eh bien, elle joue son spectacle à la Fontaine d'Argent. Oui. Un très joli café-théâtre. Donc vous jouez vendredi, samedi et dimanche. Oui, c'est bien dommage parce que dimanche, j'aurais bien voulu aller voir Alex Vizorek hein, qui joue au petit théâtre. Quand vous aurez terminé les autres séjours respectifs. Invité permanent. Tant que vous avez la parole et comme vous m'avez un petit peu ciré des pompes, vous pouvez faire votre chronique. Merci Alex. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui des réserves parlementaires, ces fameuses sommes d'argent mises à disposition des députés et distribuées à leur convenance à des associations. Par exemple, Gérald Darmanin, député UMP du Nord, eh ben, il a versé 1000 euros à la confrérie des arbalétriers de Bousbecque. Voilà, il hein, faut le savoir. Du coup, j'ai appelé les arbalétriers de Bousbecque. Est-ce que Gérard Darmanin, il est venu vous voir ou pas ? Ah bah oui, quand même. Il tire ? Non, il tire pas, monsieur Darmanin. Enfin, si, peut-être, mais pas avec une arbalète. Ah, voilà. Alors ça, c'est de l'humour d'arbalétrier, hein, faut le savoir. Alors, puisqu'on parle de tirer, Pierre Elagaz, député PS des Pyrénées-Orientales, a quant à lui versé 1000 euros à l'amicale des chasseurs de sangliers de Montbolo. Du coup, bah, j'ai appelé le président de l'amicale des chasseurs de sangliers de Montbolo. Écoutez, on l'a demandé pour cette année, mais je l'ai pas encore, hein. C'est pas le résultat. Personne ne m'a informé que j'avais 1000 euros. Ah, vous n'avez pas encore reçu le chèque. Si vous le dites, je vous crois. Hein. Ah c'est pas moi qui vais vous faire le chèque, attention. Hein. Ouais, là, d'accord. Ouais, non, hein, que les choses soient claires, hein, moi je suis pas comme les députés, je n'ai aucun électeur à acheter. Aucun électeur à convaincre du bien fondé de mon action publique, pardon. Désolé pour le lapsus. Poursuivons avec Yves Jégot, député UDI de Seine-et-Marne, qui a choisi de donner 2000 euros à la confrérie du Brie de Montereau, le fameux fromage au lait cru. J'ai appelé le secrétaire général de la confrérie, monsieur Lenoir. Alors, est-ce que Yves Jégot a été intronisé ? Et si oui, est-ce que ça pose problème ? Monsieur Jégot a été intronisé il y a 4 ans. Ah, vous voyez, il y a une sorte de conflit d'intérêts quand même. Hein. Non, il n'est même pas intronisé, il est membre d'honneur. Ah, c'est pire. Il y a honneur dedans. Non, là. Non, attendez, il y a beaucoup de personnes qui sont intronisées. Oui, mais s'il subventionne une association auquel il appartient, il est membre d'honneur quand même. Hein. Mais attendez, non, là je crois que vous faites fausse route. Hein. Moi je crois surtout que je suis sur la route d'un scandale d'État, hein, d'un bris de Montreau-Gate, hein, ni plus ni moins. Alors, le CSA étant très strict sur les temps de parole, puisque je parle du bris de Montreau, je suis obligé de parler du bris de mots. Bien sûr. Hein. Il reçoit les sous, j'espère. Et ça tombe bien, hein, puisqu'on parle de conflit d'intérêts d'ailleurs. Jean-François Copé a versé 1000 euros à la confrérie du Brie de Meaux. Et en plus, en tant que maire, il est automatiquement intronisé. Mais alors, comment ça se passe si un maire de Meaux n'aime pas le Brie de Meaux ? Allez-vous me demander avec l'angoisse d'Emmanuel Macron devant une idée de gauche ? Calmez-vous. Je vais avoir la réponse parce que j'ai appelé le secrétaire général de la confrérie, monsieur Guichon, pour lui poser la question. Si un jour un maire lui dit « moi j'aime pas le prix », mais ça n'empêchera pas d'être intronisé. Ah donc on peut quand même être intronisé si on n'aime pas le prix, mais seulement si on est maire de Meaux. Non. Le problème c'est que s'il ne l'aime pas, quand on le sait, on s'arrange au lieu de leur donner une lichette qui est relativement importante. Bon, ou alors à la place du prix, vous leur mettez un petit bout de vache qui rit. Non. Non. Je refuse catégoriquement. Non, d'accord. Okay. Non. On ne déconne pas avec le Brie. Alors, moi, je comprends ça, hein, parce que moi aussi, je gère différentes associations et j'aurais bien besoin d'ailleurs d'un petit coup de pouce. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis rendu à l'Assemblée nationale pour y rencontrer notamment Nicolas Dupont-Aignan. Bon, moi, j'ai une association qui soutient les partis en difficulté, comme le vôtre, par exemple. Est-ce que vous pouvez me donner un petit chèque ? Il a 1 million d'électeurs, il n'est pas en difficulté. Voilà. Vous voulez pas me donner chèque alors ? Non, mais je ne donne des chèques à personne. Ah non, j'ai confondu. Je savais qu'il y avait un lien entre Dupont-Aignan et l'échec, mais c'est l'échec en un seul mot, hein, autant pour moi. Tant pis, c'est pas grave parce que j'ai une autre association et j'ai croisé Jacques Millard, député UMP des Yvelines. Bon, moi j'ai une association qui s'appelle Soutien financier à Guillaume Meurice, c'est ce que vous donnez ? Je ne sais pas qui c'est ce type et comme il n'habite pas ma circonscription, ça sera non. Comment vous savez qu'il n'habite pas votre circonscription si vous ne savez pas qui c'est ? Si je le connaîtrais, ce serait déjà manifesté. Bon, c'est moi. Eh ben, je ne suis pas d'accord, parce que les journalistes sont trop bien payés, et voilà. De toute façon... Je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueur, moi. Eh ben, chroniqueur, alors si vous êtes un gros niqueur, c'est votre problème. Voilà, voilà, humour de député UMP, hein, c'est le même que celui d'un arbalétrier, hein, c'est bizarre. Bon, toujours est-il qu'il ne veut pas me faire de chèque pour mon association, ben, c'est pas grave, parce que j'en ai une autre. Bon, si je fais une association dont le but est d'ériger une statue en votre effigie. Alors, certainement pas. Ah, votre effigie. Vous vous rendez compte, je fais 1m60, alors vous pouvez à peu près que la statue, elle serait rikiki. Justement, ça coûterait moins cher. J'entends bien, mais je m'en fous. Allez, faites-moi un chèque. Certainement pas, je fais jamais d'échecs. Bon. Humour d'arbalétrier et argument Nicolas Dupont-Aignan, belle combinaison. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller voir le champion de la magouille, celui qui ferait passer Bernard Tapie pour l'abbé Pierre. J'ai nommé Patrick Balkany. Et figurez-vous que le journal Le Monde nous apprenait le matin même qu'il était le seul à ne pas avoir distribué sa réserve parlementaire, ça ne s'invente pas. Je lui ai donc posé la question. Pourquoi vous ne l'avez pas encore distribué ? Mais vous savez, quand je fais des communiqués, il faut les lire, mon bon. Ah, c'est ça, je ne l'ai pas lu. Alors dites-moi tout. Cette année, c'est la protection civile, c'est la maison de la pêche et de la nature, et c'est une association de lutte contre le cancer pour les enfants. Voilà. Bon, j'ai une association qui s'appelle Soutien financier à Patrick Balkany. Est-ce que vous donnez ? Écoutez, je suppose que vous avez beaucoup de plaisanteries comme ça. Moi, je donne aux associations locales. Ah mince, c'est dommage. Ouais, en fait, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas domicilié mon association à Levallois, mais aux Antilles, juste à côté de la villa de Patrick Balkany. Bon, j'ai rien récupéré comme pognon. Je suis vraiment nul en détournement de fonds publics. Mais c'est pas grave. Je prendrai des leçons dès les prochaines vacances auprès de mon nouveau voisin antillais. Mais donc, c'est votre nouvelle idole, vous l'avez rencontré. Oh là là, c'était beau. Et donc, je veux pas le faire venir dans l'émission, franchement. J'adorerais qu'on ait Balkany là pendant une heure. Quoi. Le régal. C'est pas sûr qu'il parle beaucoup, peut-être devant le micro. Ouais, hein. Écoutez, mais de toute façon, je sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, il a jamais tort. J'ai l'impression que l'auditeur d'Inter ne va pas nous suivre sur cette demande. Thomas VDB, mais. Et voilà, bah, on va parler de quelqu'un d'autre qu'on pourrait peut-être inviter. Sujet 2. Bernard Tapie, l'icône des années Mitterrand, Vassy, adoré par certains, détesté par d'autres. Celui qui représente le rêve français. Français pour certains, la magouille gauloise pour d'autres, a connu des hauts, des très hauts, mais là c'est un bas. Le fameux arbitrage qui lui avait fait récupérer 403 millions d'euros a été annulé, et évidemment, maintenant on parle de rembourser cette somme reçue en 2008, mais il est où l'argent ? Je n'ai pas tout dépensé, mais je vais le faire. Je remercie chacun d'entre vous pour cette affaire en or. Vous êtes tous des as, croyez-moi, mais je claquerai tout jusqu'à déposer à la banque un chèque en bois. Je vous emmerde. Ocean 12. Et puis Bernard Tapie dans le texte. Louis Bozon, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même quelqu'un qui, sur les 30 dernières années, a représenté le français dans tout ce qu'il avait de panache. Ah oui, il était un bon animateur. Je me souviens d'une émission qu'il avait fait sur les premiers emplois, enfin une chose comme ça. Il était vraiment assez fabuleux. Mais il paraît qu'il n'a pas touché la somme intégralement. Ça m'a un peu consolé ce matin quand même. Alors, il y a une bonne partie quand même, parce que j'ai vu qu'il était bien entouré, yacht et tout le bastringue. Mais bon, ça aussi, on se dit que comment ça va se terminer peut-être pas comme l'affaire des SK, mais là encore, j'ai l'impression qu'il ne va pas être... dépouillé de ce qu'il a touché. Une fois qu'on a l'argent, on le garde, non ? C'est cyclique, hein, Clara Dupont-Méry ? Oui, il a touché 278 millions d'euros de l'État sur les 403. Et il a... C'est tout, vous savez tout aussi. Hein. Il a quasiment tout investi dans l'immobilier et dans la presse. Et quand même, il a... En fait, c'est la compagne de Bernard Tapie. Voilà, c'est ça. Mais il est marié, attention, il écoute. Et surtout, son yacht de 75 mètres, il s'appelle le Reborn, Renaissance en anglais, ce qui est un peu dommage. Mais il paraît qu'il l'a vendu, je ne sais pas, ou prêté, enfin, ou loué, enfin, je ne sais pas. Il l'a revendu. Mais, oui, là, voilà, c'est ça. Il me semble que je suis assez au courant de sa vie, pas privée. Avec mais son enfin... jet privé de 19 places. Tant voilà, que vous êtes voilà. Mais seule... dites donc, vous avez quand même connu sa vie privée pour savoir les petits détails. Et j'ai un passé, moi. Ah. J'ai quand même une question à vous poser. Vous êtes la seule femme autour de cette table. Quel est le potentiel charmeur de Bernard Tapie ? Égal à néon. Bah, écoutez, voilà, je trouve dur. Sans appel. Hein. Louis, non. Ah, il peut énerver, je pense, mais il a une incontestable présence quand même. Dieu sait si. Louis Nicolas aussi. Oui, bien sûr, mais enfin, disons que sans être très sympathique, je le trouve C'est un bon client, quoi. On l'invite et il remplit la... Oui, c'est comme Balkany, on est content de l'entendre parler. Mais moi, je trouve qu'il est meilleur client que... J'ai pas eu l'honneur ou le déshonneur de rencontrer ces personnages, mais je ne sais pas, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça vous avait choqué à l'époque, cet arbitrage? Parce que, bon, aujourd'hui, on en rit parce qu'il va le rendre, mais à l'époque, ça avait quand même, c'était de l'argent public. Oui, mais alors, vous savez, on a aussi payé pour d'autres choses, nous. Et dans ma longue vie, je me suis aperçu que j'ai payé beaucoup d'impôts. On me dit, si tu payes des impôts, c'est que tu as gagné de l'argent, alors écrase-toi. Mais c'était souvent pour des choses qui ne nous concernaient pas, mais on payait. Donc, bien sûr que ça m'a choqué, mais il arrive qu'on relativise au bout d'un moment. Et c'est ce que je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qu'on lit tous les jours, parce que maintenant on a les détails qu'on n'avait jamais, on va avoir un certain détachement avant de tout ça en disant « et nous n'y pouvons pas grand-chose ». Oui, mais cela dit, je me demande s'il n'y a pas eu un point de non-retour au niveau de l'image de Bernard Tapie atteint avec cette histoire d'arbitrage. Parce que 403 millions d'euros... C'est beaucoup. Beaucoup d'euros. Oui, il y a eu quand même... Il y avait des règles assez opaques. Il y a eu d'ailleurs tout un circuit judiciaire autour de ça. Il y avait quand même là une sorte de petite bande des limites dépassées, on va dire. Et puis je le trouve plus fatigué en interview. C'est-à-dire qu'avant, il avait, comme ça, il pouvait tenir 2 heures avec Pujadas alors qu'il avait fait de la garde à vue la veille. Vous dites Pujadas? Pujadas, ah, pardon. Excusez-moi. Vous voyez bien qui je voulais parler. Il a le droit d'espagnoliser un peu. Donc vous avez la parole et comme vous parlez mieux que moi, je vais vous la laisser. Est-ce que vous pourriez relier l'actu à des livres? Et on embrasse David Pujadas. Bon accent. Oui, Alex, parce que l'actualité, c'est aussi la fin des gardes à vue pour les profanateurs du cimetière juif du Bas-Rhin. Je rappelle que ces profanateurs sont mineurs, ils ont entre 15 et 17 ans et ils ne se seraient pas rendus compte de leurs gestes. Bon, 250 tombes, hein, quand même. Ouais. Alors, ça nous amène à une figure littéraire qui est assez rare, qui est l'ado à qui on flanquerait bien une paire de baffes. Dans ce domaine, la réalité fournit la fiction, c'est qu'on ne compte plus les faits divers avec des adolescents abaffés, mais comme la littérature est l'amie des excès, elle choisit bien souvent des ados beaucoup plus qu'irresponsables, elle choisit carrément les ados meurtriers. En 2003, aux États-Unis, un livre était sorti qui s'appelait « Il faut qu'on parle de Kevin », signé de Lionel Shriver, paru en France chez Bellefond. C'est un livre qui est, j'en ai encore le souvenir, l'auteur imagine les lettres d'une mère qui s'interroge. Et sa grande question, c'est « Comment son fils de 16 ans a-t-il pu assassiner 9 personnes dans le gymnase de son lycée ?» Et elle plonge dans l'éducation que son fils a reçue. Ce livre a donné un film exceptionnel. Le titre est en anglais. C'est « We need to talk about Kevin ». C'était l'actrice Tilda Swinton dans le rôle de la mère. Nous devons parler à propos de Kevin. Exactement. J'ai bien traduit. Voilà, bravo. Et c'est un film qui pointait du doigt l'éducation, notamment béatement optimiste du père, qui est toujours content alors que son fils, objectivement, fait peur. Le film « Elephant » de Gus Van Sant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Palme d'Or de Cannes en 2003. Il mettait en scène deux adolescents qui ont perpétré la tuerie de Columbine aux États-Unis. Et c'était déjà aussi une charge contre, je cite le réalisateur, l'aspect aliénant du système d'éducation américain. Donc vous voyez, à chaque fois, la culture met en cause l'éducation parentale ou scolaire. C'est d'ailleurs assez cocasse de savoir que le film Elephant avait obtenu également à Cannes le prix de l'éducation nationale. Celle-là, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est un peu comme si le prix des droits de l'homme était décerné à Landru, film de Claude Chabrol. C'est bon, mais c'est passé. C'est très femme. Bizarre. Oui, c'est ça, exactement. Alors, au rayon des ados disjonctés, il y en a quand même une qui domine. Alors là, qui a inspiré littérature et cinéma. J'ai nommé Violette Nozière. Au mois d'août 1933, Violette Nozière a 17 ans et elle décide d'en finir avec ses parents. Elle veut de l'argent, elle veut des robes, elle se prostitue un peu, elle veut la belle vie et elle ne supporte pas le côté petit bourgeois, économe de ses parents. Donc, elle les empoisonne. Pour être sûre qu'ils y passent, elle ouvre le gaz et elle s'en va. Alors ce sera à moitié réussi, son objectif, puisque son père y reste, mais sa mère, elle en réchappe. Ce fait divers, il a enflammé les imaginaires français jusqu'à maintenant. À l'époque, les surréalistes prennent position pour Violette Nozière. Céline, Drieux-La Rochelle, Colette, tout le monde prend position. On monte des pièces de théâtre, on chante Violette Nozière. En fait, on l'encense ou on l'enfonce. Elle porte sur sa petite tête tout l'espoir de ses vieux parents. Tous deux ne travaillent que pour elle, pour lui assurer son avenir, sans penser qu'un jour la cruelle pour les voler les ferait mourir. C'est Jean-Luc Lay? Non, ça n'est pas Jean-Luc Lahaye. Merci. 17 ans. C'est un immense compositeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Scotto et qui chantait qui chantait cette chanson en 1933. Vincent, oui. Et tous les chansonniers d'ailleurs de France reprenaient ça, vendaient leur livret avec la photo de Violette Nozière. Alors pour ses défenseurs, Violette, c'est celle qui a défié l'autorité parentale. Je cite Paul Éluard, celle qui a défait l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Et c'est ce versant-là, la parricide qui se délivre des chaînes, que Claude Chabrol a choisi pour son film en 1978 avec Isabelle Huppert dans le rôle de Violette Nozière. Oh, plus que j'ai passé l'âge, je m'habillais comme une petite fille. Hein. Même le docteur Durand me le dit. Quoi ? Vous n'avez pas refoulé mes lèvres, vous êtes des flics, des sales flics ! Vous êtes des flics, des sales flics, elle n'est pas contente. Tout récemment, un livre vient de sortir, nous sommes donc en 2015, je le rappelle, donc c'est vous dire à quel point elle enflamme les imaginaires. Un livre qui s'appelle Ultraviolette, de Raphaël Riolle, pardon. Et donc, 80 ans après, la romancière Raphaël Riolle s'empare de Violette Nozière et en fait, elle la tutoie. Alors, j'ai pas dit que les écrivains étaient sains d'esprit, hein, mais c'est un très bel exercice d'empoignement littéraire. Elle la tutoie et elle, je cite, elle écrit « Ils avaient beau te surveiller, t'entourer, t'étouffer, d'après les témoignages de ta mère, jamais tes parents ne t'ont entendu sortir la nuit, décidément, vous étiez une drôle de famille. » Et donc, là encore, la réhabilitation de Violette Nozière va de pair avec l'accusation de l'éducation reçue. En fait, la littérature n'envisage pas l'adolescent tête à claque sans la remise en question de son entourage. Pour information, Violette Nozière a été condamnée à mort. Elle a été graciée ensuite en 1945 par le général de Gaulle. Elle s'est réconciliée avec sa mère. Elle s'est mariée. Elle a eu 5 enfants. Elle a été réhabilitée en 1963 et elle est morte 3 ans plus tard. Eh bien voilà, nous savons tout. C'est pas moral tout ça, hein, finalement. Non, mais la littérature ne l'est pas. Est-ce que vous allez noter tout ça sur votre page, Clara Dupont-Moreno? Oui, vous trouverez toutes les références sur, comment on dit, sur la page. Vous tapez chronique de Clara Dupont-Moreno sur Google et puis ça vous mène. Oui, non, mais c'est vrai. Ah, c'est ça que vous faites? Moi, je me fais comme ça parce que sinon c'est trop compliqué de cela. Vous voulez aller sur le site de France Inter, tapez le mot que vous cherchez. Voilà, tapez Google, France Inter sur Google et hop, ça mène. Mais oui, mais c'est bien fait hein, pour ça. Je fais un peu de la pub Google, c'est idiot. Mais envoyez-moi un mail, je chercherai pour vous. Envoyez-moi un mail, je chercherai avec Louis Bozon, légende de cette antenne. Alors, j'ai lu que vous avez commencé avec l'émission Bonjour tout le monde, ah oui, ça, et qui en fait à l'origine devait être proposé à Jean-Louis Foulquier mais qui a renoncé parce que son épouse a dit attention si c'est comme ça je te quitte. Et elle l'a quitté 6 mois après. D'ailleurs il m'a dit tu vois j'ai raté la plus belle émission parce que ça a été vraiment un 37 pays dans le monde et il m'a dit quand je pense que ma femme m'a quitté quelques temps après et il m'a dit ça peu de temps avant sa mort quand je suis allé sur le cimetière Montmartre pour lui dire au revoir, il y avait un gros tonneau qui a été mis en perce et chacun buvait un coup de vin à 11h du matin, il faisait froid et bon je me suis dit bah oui merci pour le bon voyage que tu m'as permis de faire. Ben oui. Et après, vous avez fait le tour du monde avec cette émission. Ça, c'est formidable. À l'époque, on faisait les choses en direct, le moment de la guerre froide, Moscou, Leningrad, qui ne s'appelait pas encore Saint-Pétersbourg. C'était absolument merveilleux. Et puis, ce sont les jeux, et c'est le troisième thème, car les jeux de télé sont parmi les programmes les plus regardés. Alors, est-ce le plaisir de voir des gens lambda jouer ? Est-ce le plaisir de soi-même avoir l'impression de s'amuser ? Ou alors l'envie d'aller gagner beaucoup d'argent en y participant ? Enfin, beaucoup d'argent, choisissez bien votre jeu. Romain, Soda Stream vous offre la source métal machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Non ! Découvrez plus de 30 saveurs concentrées Soda Stream. Oh non ! Oh non ! Petit Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014. Oh non ! Pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Bon Romain, je te parle pas à toi gros con. C'était un petit mix entre un cadeau habituel hein, de chez Julien Lepers, question pour un champion, et Albert Dupontel, vous n'avez pas du tout envie de le recevoir. Alors, Louis Bozon, vous, c'est le jeu des 1000 francs, puis le jeu des 1000 euros. Qu'est-ce qui passionne les Français dans les jeux télé, les jeux radio ? Alors, je pense que la radio, c'était pour montrer qu'on savait des choses, hein, parce qu'il n'y avait pas l'image. Après, ça, c'est l'auditeur de France Inter qui veut avoir l'air intelligent. Oui, oui, mais le public de France Inter est intelligent. Ça, je l'ai toujours pensé et cultivé. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on recevait des volets de bois vert parce qu'on n'avait pas bien prononcé, qu'on avait fait une erreur sur une date. Alors, avec Internet, c'était encore pire. Hein. Mais non, incontestablement. Je pense qu'il y avait le besoin de jouer. On aime jouer. Regardez, les jeux en famille, c'est toujours un bonheur. Monopoly, ça tient le coup depuis 1929, puisque c'est créé par un gars qui était au chômage. Mais je pense qu'on a besoin de jouer. Maintenant, c'est l'image qu'on donne à la télévision. Et je pense que, d'ailleurs, dans les castings, on cherche des gens qui font des bons numéros. Donc, le casting, c'est pas seulement de bien répondre, c'est aussi d'être une personnalité qui va animer le jeu, en plus du jeu de l'animateur. Encore, là, vous parlez des jeux culturels, mais parfois, on est amené à faire des jeux plus idiots. Enfin, je pense des jeux plus trash, prix, oui. Ça va oui, être encore oui, différent. Oui. Mais parce que, alors, on parle toujours des audiences du 18-19h, alors on dit oui, Hanouna, Le Grand Journal, C'est à vous. Mais qui c'est qui fait la grosse audience à cette heure-là ? C'est Nagui avec N'oubliez pas les paroles. Donc les gens sont passionné par le jeu à toutes les heures. Moi, je pensais que c'était quand on est à l'heure du midi. Et en fait, pas du tout. Les gens regardent tout le temps les jeux. Incontestablement. Je pense aussi qu'il y a peut-être la fuite des émissions avec invités qui sont un peu toujours les mêmes quand même. Quand vous avez un livre qui marche, l'auteur est partout. Quand il y a un film qui marche, on le force, parce qu'il doit vendre le film, d'aller partout. Donc au bout d'un moment, il y a une saturation, on dit, avec les jeux, on aura au moins des surprises qui sont le jeu lui-même. Et je pense que c'est une des raisons, incontestablement. Et c'est le plaisir de voir le lambda à la télé parmi ce monde de paillettes. C'est ça, parce que d'un coup, on se sacralise dans sa propre famille, dans l'entourage des villes, parce que les castings ont lieu partout. Hein. Si Paris, on répond à une connerie, on en prend pour 30 ans oui, de blague. Oui, c'est ça, alors. Parce qu'en même temps, tu as été mauvais, on t'a vu, tu l'as, c'est une honte. Parce qu'un jour, à Réponse à tout, on m'avait dit, vous savez, votre jeu est bien, mais vous, vous n'êtes pas le représentant de la France, vous n'avez pas d'accent. Parce que nous, on a des accents, et c'est vrai, on avait la France entière à l'époque, les castings étaient beaucoup moins pointu que maintenant, et ils trouvaient qu'on n'avait pas d'accent, qu'on parlait pointu. C'est vrai que les accents en France existent, incontestablement. Quand vous allez en Picardie, vous avez un accent. En Normandie, vous pouvez en avoir un, et ailleurs. Mais c'est vrai que c'est le pendant présentable de la télé-réalité. Je suis passée à la télé, mais c'est vrai. À la télé, mais pas en bikini, pas dans une boîte avec des caméras partout. Ça dépend les jeux. Oui, mais en gros, les jeux, si vous voulez, Julien Lepers, par exemple, c'est l'idée de la culture générale, quand même. Il y avait des chiffres et des lettres qui étaient alors le contraire, dans la gravité. Maintenant, ça paraît démodé, ils marchent toujours. Mais qui sont ces jeux qui sont toujours à l'antenne, mais d'ailleurs. Oui, toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours un public pour cela. Alors, évidemment, il y a les émissions où l'on rit, celle de Nagui, ça se passe dans de l'ambiance comme il la crée, il le fait très bien. Mais en même temps, ce qui importe, c'est que les gens puissent se concentrer sur quelque chose qui les passionne pendant une heure ou trois quarts d'heure. Et c'était le cas de Réponse à tout, c'est le cas des émissions de Nagui. Moi, par exemple, Motus, je ne pourrais pas y aller. C'est trop compliqué, déplaire les mots. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est content de voir des gens gagner. Parce qu'en fait, il y avait, je ne sais plus sur quelle chaîne du câble, il y avait une émission qui s'appelait « Jeux sans enjeu ». Et c'est qu'en fait, il n'y avait rien à gagner. On va plutôt appeler ça « production sans moyens », je pense. Et en fait, mais personne n'en regardait ce truc-là, parce que les gars, ils étaient juste contents d'avoir gagné, mais ils n'avaient rien gagné. Mais même pour le jeu des 1000 euros, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, ils partageaient. Mais c'était « je suis allé au jeu des 1000 euros », et il y a des gens qui disaient « ah, vous savez, je vous suis partout parce qu'un jour, je veux faire le jeu ». Et c'était ce besoin, pas seulement pour se faire remarquer, c'est pour participer à quelque chose qu'ils aimaient. C'est ça qui est touchant. Eh bien, Louis, vous n'avez rien gagné aujourd'hui, mais on était ravis de vous avoir. Bah, moi aussi. Et vous avez gagné des news au kilo, en l'occurrence. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no queen. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mettez? Again the no. On commence par une information technologique. Oui, Google a déposé un brevet pour un appareil connectable, capable de diffuser des odeurs au moment opportun. Alors, est-ce que le choix des odeurs se fera en fonction de votre historique de recherche? C'est un truc que DSK préfère ne pas savoir. Passons à une info taxi parisien. Alors, j'ai lu ça, un chauffeur de taxi parisien révèle le comportement odieux de certaines stars françaises. Clara, rassurez-vous, il n'y a rien sur vous. Il s'est plaint d'Anne Romanoff. Moi, je prends le métro, moi. C'est vrai en plus. Et de Ramayad et d'Amandalir, qui, dit-il, ne payerait pas ses courses. Enfin, la sienne, en tout cas, oui. Et donc, Amandalir, même ses courses ne sont pas réglées. Ah bah c'est élégant, Alex. On termine par une. Tu dis, je pouvais la faire. On termine par une info belge. Oui, oui, oui. Un jeune de 24 ans du côté de Liège a été déféré au parquet pour avoir cultivé plus de 800 plants de cannabis. Est-ce que vous savez comment il a été repéré? Non. Sa consommation d'électricité était anormale. Il utilisait la moitié de l'électricité de la rue. Ouais, c'est pas une lumière. Excellente chute. Voilà Louis, bonjour, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Est-ce qu'on vous retrouve chez Nagui demain? Eh bien oui, oui demain nous aurons, au fait qui, j'aurais le savoir quand même. Vous n'avez pas l'air d'avoir préparé votre Francis Cabrel. Non mais à dire vrai, bon, on l'a enregistré, hein, celle de demain, voilà pourquoi. On peut le dire, mais donc elle est bien, vous nous conseillez de l'écouter, vous pouvez le dire. Bah, comment, j'espère que vous l'écoutez. Certainement un acteur en promo qu'on a déjà vu 15 fois, ou quelqu'un qui a un livre à vendre qu'on a déjà vu plein de fois. Oui, bon, on tombe un peu dans ces travers-là aussi, qu'on le veuille ou non, c'est ce que vous voulez. Votre livre sur Marlène Dietrich est toujours disponible, et demain soir, sur France 5, ce documentaire Dietrich Garbo, l'ange et la divine. Je vais faire un peu de teasing, mais on saura ce qui s'est passé vraiment entre les deux. Vous savez, il ne faut pas savoir tout, parce qu'il faut garder du suspense pour les prochains. Parce que Marie-Christine Yombard va en préparer un autre, j'en suis sûr. Ah bon, bah écoutez, ça va très bien. Eh bien, c'est la fin. C'est comme ça. Demain, on se retrouve avec notre copain Philippe Labro. Et puis la fin, bah, ça se mange sans fin. Oh, la chute de merde.